Vous êtes à l'écoute du territoire. Un territoire si vaste que l'enjambée humaine peine à l'arpenter. La foulée du cheval, elle seule, a l'envergure suffisante pour traverser les contrées et les campagnes. Et c'est à la puissance équine, fierce du règne animal, que se sont attelés les défricheurs de l'arrière-pays québécois. Qu'est-ce à dire de la relation qui unit l'humain au cheval, si ce n'est de la confiance sincère et de l'affinité profonde qui en tisse les liens? Mais dans le Pontiac, une région sise aux confins de l'Outaouais, tout près de l'Ontario, cette liaison est mise à rude épreuve. Cette semaine, l'avenir incertain de la médecine équine. Alors que la pénurie de vétérinaires sévit à la grandeur du Québec, le Pontiac, lui, souffre. Depuis ce printemps, plus aucun vétérinaire équin n'est établi dans la région et déjà plusieurs chevaux en subissent les conséquences, voire en meurent. En avril dernier, une pétition lancée par une propriétaire de chevaux réclame que les exigences linguistiques en matière de français, qui ont joué un rôle dans le départ de la dernière vétérinaire équine, soient assouplies pour le Pontiac, là où une forte proportion de la population est anglophone. La santé mentale des vétérinaires est au cœur d'une situation confuse où s'amalgament la pénurie de main-d'œuvre et l'épuisement professionnel d'une part, mais aussi le bien-être animal et la protection du français. Avertissement. Il sera question dans cet épisode de suicide. Si vous ou un de vos proches ressentez le besoin de parler de votre situation, nous vous encourageons à communiquer avec la ligne d'aide 1-866-APPEL 1-866-277-3553. Voici maintenant le reportage de Renaud Chiquan McKenzie. Il faut commencer ce reportage par l'amour que portent les propriétaires de chevaux à leurs compagnons équestres. Cette affinité, je ne crois pas qu'on la rencontre vraiment ailleurs dans le monde animal. Deux espèces complètement différentes, les deux puissantes à leur manière, mais aussi toutes deux fragiles, et qui décident pourtant, ou peut-être justement, à cause de cette fragilité, de se lier d'une confiance absolue l'une envers l'autre. Sabrina Cousineau, par exemple, est tombée en amour avec son cheval dès sa jeunesse. Le cheval reproducteur de l'élevage de mon oncle. Puis moi, depuis que j'étais petite, c'était le cheval de mes rêves. Je le voyais, puis je le trouvais tellement beau. Puis je disais à tout le monde que, tu sais, un jour, je rêvais d'avoir un cheval comme lui. Puis j'ai eu de la chance de l'avoir en cadeau. On me l'a offert quand il y avait une douzaine d'années. Puis ça a été très difficile. Il y avait un caractère très fort. Ça m'a pris beaucoup de temps avant qu'on construise une relation. Puis après ça, je disais, mon cheval, je pouvais faire absolument tout ce que je voulais avec lui. On allait se baigner dans la rivière. Je pouvais le monter à cheval quand il y avait les... On était à Gatineau, puis il y avait les air shows. Donc, il y avait une confiance, là. On se comprenait l'un et l'autre, là. Carole Savard a commencé tard à faire du cheval, après avoir inscrit ses enfants à des cours d'équitation. Et Chantal Chrétien aussi, d'ailleurs. Les deux nous parlent du lien sentimental qui s'est tissé entre elles et leurs compagnons. Il sait ce que tu sens parce que quand il te connaît bien, il dit « Moi, elle respire plus vite que d'habitude, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Ou bien, il entend mon cœur. Comme oui. Moi, je sens le cœur de mon cheval entre mes jambes. Mm. Fait que je sais qu'elle a peur pour vrai, elle ne fait pas semblant. Moi, quand j'ai de la peine, là, OK, puis je vais voir mes chevaux, là, OK, ah. Ils savent en tabac, ils sont calmes, ils viennent me voir, ils sont fins. On dirait qu'ils ressentent mon état d'âme. Cet amour, cet attachement, c'est en partie ce qui rend si douloureux le problème examiné dans ce reportage, celui de la pénurie de vétérinaires équins. Paradoxalement, la charge émotive du lien entre les humains et les chevaux, nous le verrons, est aussi au cœur du problème et l'amplifie. La pénurie de médecins vétérinaires est une réalité généralisée à l'ensemble du Québec, et toutes les espèces en souffrent. Mais la médecine vétérinaire équine est particulièrement touchée, et ce pour des raisons que nous allons voir. Dans tout le Québec, le cas du Pontiac est frappant. Depuis le printemps dernier, n'a plus aucun vétérinaire équin après en avoir perdu deux en quelque temps à peine. La première, originaire du Royaume-Uni, a quitté le Pontiac en partie parce qu'elle ne satisfaisait pas les exigences linguistiques en matière de français, et en partie parce que la charge de travail était devenue insupportable. La vétérinaire en question pratique aujourd'hui en Ontario et a préféré ne pas être nommée dans ce reportage. La deuxième, qui vivait en Ontario mais parlait suffisamment français pour avoir un permis de travail québécois, s'est ôté la vie au printemps dernier. Le cas du Pontiac est important parce qu'il illustre bien deux variables expliquant la pénurie de main-d'œuvre en milieu vétérinaire. Si la question linguistique est exceptionnelle en soi, la difficulté de mettre en place des solutions a priori simples démontre bien la complexité bureaucratique dans laquelle s'est embourbée, si on veut, la médecine vétérinaire. La deuxième variable pour expliquer la pénurie de vétérinaires, c'est celle de la santé mentale. Une multitude de facteurs aggravent celle des praticiens dans leur ensemble, mais des vétérinaires équins en particulier. Le tout fait en sorte que la pratique n'arrive pas à retenir ces médecins et qu'elle les perd plutôt au burn-out ou, dans le pire des cas, au suicide. La petite route du Pontiac sur laquelle je roule est pratiquement à la frontière de l'Ontario. C'est novembre, les champs sont beige et vallonneux, les arbres dénudés, et la route sinueuse se transforme en route de terre alors que j'approche la maison de Chantal Chrétien. C'est elle qui a lancé la pétition pour qu'on retienne la vétérinaire du Royaume-Uni dans la région. Elle m'attend chez elle avec Carole Savard, une autre propriétaire de chevaux. Chantal est visiblement offusquée par l'empiètement des politiques linguistiques sur les pratiques vétérinaires de la région. Il fonctionne à 4 étudiants. Les 3 autres étudiants, ça peut être un Vietnamien. Elle est du Royaume-Uni, fait qu'elle a son propre accent. Le Vietnamien a l'accent asiatique. Ça peut être un Australien qui a l'accent australien. Puis le dernier, je sais pas moi, des Philippines. Où... Tout le monde apprend le français. Tout le monde a un accent différent. Puis ils ont un quart du problème. Ils doivent discuter ensemble en français pour avoir l'image complète du problème médical. Les permis de pratique de médecine vétérinaire sont attribués par l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Mais l'Ordre est lui-même soumis à des règlements d'autres entités, notamment l'Office des ordres professionnels du Québec et l'Office de la langue française. Les détenteurs d'un permis doivent communiquer et offrir leurs services en français pour avoir un permis de travail, selon la Charte de la langue française. Cela dit, les ordres professionnels peuvent délivrer à quelqu'un un permis temporaire d'un an, renouvelable 3 fois pour un total de 4 ans, en attendant qu'il apprenne le français. La vétérinaire du Royaume-Uni a décidé, malgré une offre de permis exceptionnelle, d'aller pratiquer en Ontario. L'histoire du Dr Kelly est différente. Elle commence en Ontario et connaît une fin beaucoup plus tragique. Elle avait acheté une clinique de son ancien patron qui avait pris sa retraite. Donc, elle s'était énormément endettée pour ça. Elle avait trouvé une autre vétérinaire pour l'aider. Mais cette vétérinaire-là est partie en congé de maternité. Alors, Andrea s'est retrouvée toute seule au printemps, la saison la plus difficile, en tout cas la plus occupée pour les vétérinaires équins. Et puis, c'est ça, rendue à l'été, elle était absolument épuisée. Puis bon, on ne sait pas exactement pourquoi elle a décidé de mettre fin à ses jours, mais c'est ce qu'elle a fait. Alors, on a perdu la vétérinaire de l'Ontario qui avait passé l'examen de français de l'OQLF, qui avait son permis de pratique au Québec. Donc, dans le Pontiac, il n'y a plus de vétérinaire équin. Les conséquences de l'absence de vétérinaire dans la région ont déjà commencé à se faire sentir. Dans les différents témoignages recueillis pour ce reportage, l'histoire tragique d'une propriétaire ayant perdu 3 chevaux en l'espace de quelques semaines seulement m'a été répétée à plusieurs reprises, de manière indépendante. Malgré que nous n'ayons pas réussi à la rejoindre, le récit que fait Carole Savard de son expérience est crédible. Elle avait un cheval en détresse, elle a appelé 13 vétérinaires. Il n'y en a aucun qui pouvait venir. Il n'y en a aucun qui pouvait la recevoir. Elle dit, regarde, là, je vais mettre mon cheval dans la remorque, là, puis je vais te l'amener à ta ferme vétérinaire. Aucun ne pouvait la recevoir. Elle a appelé à des hôpitaux vétérinaires. Ils pouvaient pas la recevoir non plus, ils étaient complets. Fait que le cheval est mort en douleur, parce qu'il n'y a pas de, de vétérinaire qui pouvait venir soulager le cheval ou l'euthanasier. Elle a perdu un autre, ça c'était le 4 mars. Le 8 mars, elle a perdu un autre cheval qui s'est étouffé. Cette fois-là, elle a appelé 18 vétérinaires. Pas plus de résultats que le 4 mars. Puis là, il y a une autre jument qui est décédée le 19 mars. Pas plus d'accès à un vétérinaire. Probablement à cause du stress d'avoir perdu ses deux amis, ou en tout cas son, une de ses amies, parce que les chevaux sont très sociaux. C'était une rupture d'ulcère. Sabrina Cousineau aussi a perdu un cheval. En fait, mon cheval, moi, cet été, a commencé à avoir des troubles respiratoires. Puis au début, on était quand même capable de le maintenir là, assez confortablement, mais ça s'est mis à empirer. Puis, on a essayé d'avoir un vétérinaire sur place, puis les délais étaient quand même assez prolongés. Par la suite, j'ai réussi, Dr. Kelly est venu voir mon cheval. On a eu un diagnostic de pneumonie avec des traitements à faire deux fois par jour, matin et soir, là, pour essayer de remonter son système immunitaire puis aller régler l'infection. Puis on a eu des bons résultats au début. Puis après quelques jours, un matin, moi, je me suis rendue à l'écurie pour lui donner son traitement. Puis là, mon cheval a eu des coliques. Puis ça, c'est assez, assez sérieux pour un cheval. Les coliques sont un phénomène courant chez les chevaux et on nous les a mentionnés pratiquement à chaque entrevue. Ce sont des maux digestifs qui peuvent s'avérer mortels, dont les causes sont multiples. Le système digestif des chevaux est fait pour manger petit à petit tout au long de la journée, alors que les humains ont pris comme habitude de les nourrir par repas. À cette diète s'ajoutent les nombreux stress auxquels sont soumis les bêtes, notamment ceux liés aux compétitions sportives, et le fait que leurs organes digestifs sont plutôt lousses dans leur ventre et donc prompts à se déplacer. Quand un cheval a une colique, c'est urgent. Stéphanie Sidzerberg nous explique comment un vétérinaire doit s'y prendre. You know, they will check them rectally, so they'll put their hand and arm in through the rectum, and they can feel around inside what is going on. If it's seulement pour savoir à quel type de colique on a affaire, un vétérinaire devra ausculter le rectum de l'animal en y pénétrant son bras. They put like a big long rubber hose, almost a tube, in the nose through the nostril, and it goes up through the esophagus and down into the stomach, and then they can et possiblement lui passer un tuyau par les narines jusqu'au ventre pour pomper ce qui s'y trouve. And see what is in there. So that is certainly not anything that we can do on our own. There's a lot. Au final, et surtout sans médecin vétérinaire, les propriétaires de chevaux comme Sabrina se retrouvent souvent au dépourvu. Et qu'à ce moment-là, j'ai appelé pas mal toutes les cliniques du côté de l'Ontario, puis on s'est toutes fait dire la même chose, que parce qu'au Québec, la fameuse loi que si les professionnels ne parlent pas français, ils ne peuvent pas traverser la frontière. Puis mon cheval était littéralement à peut-être 25 minutes de Pembroke, là, donc toute la journée, on a essayé d'appeler, puis là, c'est comme on est un peu, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, quand on a un cheval qui est pas mal en train de mourir, mais qu'il n'y a pas aucun vétérinaire qui peut venir sur place, qui peut venir lui donner des soins ou même mettre fin à ses jours. C'était complètement de l'impuissance. Je veux dire, moi, j'étais effondrée, j'ai été chanceuse, j'avais un ami, mon conjoint qui était là, mais c'est le sentiment d'impuissance puis de ne pas savoir comment je vais pouvoir arriver à ce que mon cheval se sente bien, même si c'est de mettre fin à ses jours, comment qu'on fait si on n'a pas de vétérinaire autour de nous, tu sais, c'est... Puis mon cheval, ben ça faisait au-dessus de 20 ans que je le connaissais, ça a été un cadeau, c'était mon premier cheval, c'était le grand amour de ma vie. Il y avait 22 ans, il y a eu 22 ans cette année. C'était, comme je disais, c'était mon partenaire, mon meilleur ami. Puis de le voir comme ça, dans les derniers moments, ça a été une des choses les plus difficiles que j'ai traversées. Hein. Face à l'absence de médecins vétérinaires dans leur région, les propriétaires de chevaux du Pontiac se sont évidemment mobilisés pour trouver des solutions. Et on a fait des propositions à Cheval Québec, l'Ordre des vétérinaires, l'Association des vétérinaires équins, au MAPAC, l'idée des exigences linguistiques est une des choses qu'on a demandées. Il y aurait peut-être, OK, des vétérinaires de l'Ontario qui pourraient venir puis faire un genre de shift, mm-hmm. OK, de s'organiser un horaire qu'une fin de semaine sur quatre, eux autres travaillent au Québec. Et okay. soulage les vétérinaires. Oui, c'est ça. J'allais dire d'ici, mais il n'y en a pas, là. Mais... Oui, maintenant, il n'y en a pas. Il y a Dr. Talerne qui va... En ce qui a trait à la question linguistique spécifiquement, cette solution semble évidente. Permettre à des médecins de l'Ontario de traverser la frontière et leur donner un permis temporaire faisant fi des exigences linguistiques de la province. L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec serait pourtant ouvert à l'idée, le président de l'Ordre, le docteur Gaston Rioux. Dans certaines situations exceptionnelles, parce qu'on considère que la situation dans le Pontiac est vraiment exceptionnelle, je pense qu'il pourrait, il devrait avoir ce type d'ouverture-là. Malheureusement, un ordre professionnel ne peut pas légiférer, ne peut pas faire des lois, ne peut pas faire des règlements. Ça appartient et à l'Office des professions et au gouvernement du Québec et à l'Office québécoise de la langue française. Gaston Rioux affirme avoir fait des demandes en ce sens au gouvernement. A-t-il senti une ouverture de sa part à ce niveau? Pas vraiment jusqu'à maintenant. C'est certain que nous allons continuer éventuellement nos démarches à cet effet-là, mais il faut dire aussi que cette situation-là est tombée aussi en même temps que les élections, soit puis l'adoption aussi du projet de loi, il me semble, c'est 96 au niveau de la langue française. Fait que ça a tombé dans une période de temps où il est un peu difficile de pouvoir discuter de ce genre de situation-là. Malheureusement, ça a tombé au mauvais moment pour les gens de l'Outaouais et du Pontiac. L'obstacle face auquel se retrouve l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec est politique. Et à part de continuer à faire pression sur le gouvernement et sur l'Office de la langue française, il a un peu les mains liées. La question linguistique ne doit pas obstruer le fait que la pénurie de médecins vétérinaires est un phénomène complexe avec une multitude de causes. Et si les politiques linguistiques n'avaient pas repoussé la vétérinaire ayant quitté pour l'Ontario, rien n'indique qu'elle serait restée à son poste en médecine équine. En fait, on sait déjà que même en Ontario, elle s'est plutôt retournée vers le soin des petits animaux. C'est plate, là, mais c'est ça la situation. On n'a plus de vétérinaire. Causé par, OK, les conditions de travail, parce que l'autre vétérinaire qu'on a perdu, c'est à cause des conditions de travail très difficiles. Là. Oui, aussi, mais Mel, elle m'a dit, je l'ai rencontrée lors d'un service funéraire d'une de nos amies, qui a dit, si j'avais pas arrêté au moment où j'ai arrêté le service équin, c'est moi qui passais dans le tordeur mm-hmm. avec un burn-out. Mm-hmm. Parce que les conditions sont vraiment difficiles. La question de la santé mentale est au cœur de la pénurie de main-d'œuvre dans le milieu vétérinaire. Et c'est particulièrement vrai pour la médecine équine. Qu'y a-t-il de spécifique au milieu vétérinaire équin? Le docteur Christophe Céleste, médecin spécialisé en chirurgie équine, explique les multiples charges qui viennent avec le métier. L'une des spécificités, je dirais, du médecin vétérinaire équin, lorsque je le compare par exemple aux vétérinaires petits animaux ou aux vétérinaires ruminants, c'est que dans le milieu équin, on se retrouve à gérer différentes sphères qui se percutent les unes les autres. Je vais m'expliquer un petit peu plus clairement. Avec les chevaux, en fait, vous avez à gérer le côté affectif parce que c'est un animal de compagnie, le côté économique parce que sa gestion, son élevage et son entretien sont très chers, et le côté sportif, c'est-à-dire que les chevaux que vous traitez pour un certain nombre sont des sportifs et l'attente de leur propriétaire est que les chevaux soient rapidement remis sur pied pour pouvoir compétitionner. Donc, ces différentes sphères, ces différentes strates sont quelque chose qu'on rencontre moins dans les autres domaines de la médecine vétérinaire. La nature affective du lien qu'entretiennent les humains et les chevaux, les demandes élevées de la clientèle et le coût important des soins exercent une pression énorme sur les vétérinaires équins. À l'origine de cette pression, il y a la clientèle humaine. Les propriétaires de chevaux, tous les gens interviewés dans ce reportage s'accordent là-dessus, sont une clientèle difficile. L'amour qu'ils portent pour leurs compagnons et la détresse qu'ils vivent lorsque la santé de leur cheval est en jeu fait glisser le rôle du vétérinaire vers des responsabilités de plus en plus humaines. On est une profession qui, quand même, est reconnue par son niveau d'empathie. Je veux dire, on le sait, hein, c'est l'une de nos qualités, mais c'est aussi l'un de nos défauts. Et on est souvent plus ouvert à écouter. Ben, on va souvent être exposé à la détresse de l'animal, mais aussi la détresse du propriétaire vis-à-vis de l'animal. Et souvent, ça ouvre des discussions sur la détresse tout court de la personne vis-à-vis de certains sujets. Donc, on est quand même exposé, je dirais, plus que d'autres professions à entrer dans l'intimité de la clientèle. Puis c'est souvent ce que j'explique aux étudiants en médecine vétérinaire avec lesquels je travaille, c'est que on entre souvent en médecine vétérinaire en pensant qu'on ne va ne traiter que des animaux et en fait avoir peu d'interactions humaines en tant que telles, alors que la médecine vétérinaire, c'est énormément d'interactions humaines. Et oui, un volet vétérinaire, mais on a beaucoup à interagir avec la clientèle, beaucoup plus qu'on l'imagine et beaucoup plus que ce à quoi on était formé dans le passé. La détresse des propriétaires de chevaux quand ceux-ci sont malades, combinée au rapport personnel qu'ils entretiennent avec leur médecin, fait en sorte que les vétérinaires sont souvent interpellés de toutes parts et à tout moment. On les rejoint en dehors de leurs heures de travail, à travers des messages textes, et surtout, on s'attend de leur part une disponibilité sans limite claire. Face à cette charge, le médecin vétérinaire équin se retrouve souvent seul, le métier s'exerçant traditionnellement à travers une pratique solitaire. Jusqu'à il y a quelques années, les médecins vétérinaires équins travaillaient seuls, mais quand je dis seuls, c'est vraiment seuls. Souvent, le conjoint ou la conjointe servait de secrétaire réceptionniste, là, puis le vétérinaire ou la vétérinaire travaillait seul. De plus en plus, les vétérinaires engagent des techniciens ou techniciennes en santé animale pour les accompagner. Puis je pense que c'est vraiment une excellente chose. Quand vous avez un technicien ou une technicienne en santé animale qui vous accompagne, vous êtes avec quelqu'un en laquelle vous avez confiance et qui rapidement sait comment vous fonctionnez, de quel matériel vous avez besoin, comment vous allez vous organiser, qui va être capable de vous aider à gérer et ensuite de vous aider à, je dirais, ventiler. La pression émotionnelle, les exigences de la clientèle et la nature solitaire du travail poussent les médecins vétérinaires dans l'épuisement professionnel. Comme si ce n'était pas assez, ils sont de plus en plus victimes de harcèlement. On nous a rapporté plusieurs occurrences d'intimidation sur les réseaux sociaux qui sont, sans surprise, devenues un défouloir public pour une frange de la clientèle. Le docteur Christophe Céleste en attribue, entre autres, la faute à la pandémie. Ben, la pandémie qu'on vient de traverser a généré stress et fatigue dans toute la population, pas juste dans la médecine vétérinaire, hein, je dirais dans toute la population, puis dans pas mal toutes les professions, mais ça a rendu les gens plus exigeants, moins indulgents, et puis le degré de fatigue et de stress associé à tout ce que la population vient de vivre fait que les relations humaines se sont pas mal détériorées. Les vétérinaires le vivent de plein fouet. Le résultat de cette accumulation, c'est que les problèmes de santé mentale sont au cœur de la question de la pénurie de main-d'œuvre et que la profession en discute beaucoup. Beaucoup. Depuis, je dirais quand même pas mal d'années, là, parce qu'on sait que la profession vétérinaire est l'une des plus exposées en termes de suicide et de morts par suicide. À un point tel qu'on a demandé à un chercheur de faire une étude sur la santé mentale des médecins vétérinaires. Angelo Suarez, sociologue du travail et professeur titulaire au département d'organisation et ressources humaines à l'UQAM, a présenté le résultat de ses recherches au dernier congrès vétérinaire québécois. Plusieurs sont venus me voir en disant « là, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas ». Parce que chacun vit d'une manière individuelle les problèmes. Il pense que c'est lui les problèmes, que c'est un problème personnel. En réalité, c'est un problème qui est beaucoup plus large, qui touche beaucoup de gens et qui n'est pas juste une question individuelle. Les résultats de sa recherche ont mis en lumière une réalité sombre, où 17% des médecins vétérinaires entretiennent des idéations suicidaires. Qu'est-ce qui peut amener les gens à penser à des idées de suicide chez les médecins vétérinaires? Dans d'autres populations, ça peut changer. Okay? Mais ici, les idéations suicidaires, c'est surcharge de travail, manque de coopération. Si la personne va travailler seule ou il n'y a pas de cohésion dans l'équipe où elle travaille. Okay? Et ça, ça représente, ça explique 84% des pensées de ces 17% là dont je viens de vous parler. Une autre variable qui va rentrer dans les décors, c'est la question de harcèlement. Donc, il y avait un nombre de harcèlements importants. Okay? On va voir 30,6% des gens qui étaient harcelés au moment de la recherche. Les principales variables causant les idéations suicidaires, c'est-à-dire la surcharge de travail, la solitude et le harcèlement, ces trois réalités sont caractéristiques de la médecine vétérinaire équine. Le petit nombre de médecins vétérinaires équins fait en sorte qu'ils sont surchargés, qu'ils doivent être de garde presque en permanence, qu'ils ont des pratiques solitaires au sein desquelles ils n'ont pas de collègues pour partager leur peine, ni pour trouver de secours lorsqu'ils sont victimes de harcèlement. Ici, la pénurie de main-d'œuvre constitue une sorte de cercle vicieux. Les mauvaises conditions de travail sont le résultat du manque de relève, mais peut-on en vouloir aux jeunes de s'écarter d'une vie où la conciliation travail-famille est improbable et où l'on est appelé à travailler seul? Il n'y a pas de solution évidente, mais la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal tente malgré tout de trouver des solutions. L'une d'entre elles est de diriger autant que possible les futurs étudiants vers les régions où le manque de vétérinaires est le plus criant. Donc, c'est un peu le pari qu'on fait, que ce qui semble fonctionner dans les autres programmes peut fonctionner aussi en médecine vétérinaire. Christine Théoret, doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. On commence, on a un partenariat avec l'UQAR, donc l'Université du Québec à Rimouski, et on va accueillir 25 nouveaux étudiants pour les former en région avec l'idée qu'ils vont découvrir la région et tomber amoureux de la région et vouloir y rester. Et c'est en région qu'on a besoin des médecins vétérinaires pour les grands animaux et les chevaux notamment. Former de nouveaux étudiants prend toutefois du temps. Même si la prochaine cohorte en venait à satisfaire les besoins du Pontiac, il faudrait attendre plusieurs années avant qu'elle ne sorte de l'université. D'ici là, la rétention des médecins en place est d'autant plus importante, car si les étudiants viennent remplir un corps de métier qui se vide à mesure qu'ils y entrent, le problème de la pénurie n'aura pas de fin. Or, l'amélioration des conditions de travail sont une des principales embûches à la rétention des médecins vétérinaires, selon Angelo Suarez. On a posé aussi la question, si les conditions de travail s'améliorent, est-ce que reporteriez-vous votre départ? 60% des gens disent oui. Donc, pénurie de la main-d'œuvre, c'est fabriqué. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc, il faut éliminer les barrières qui existent dans ces contextes. Donc, vous voyez, barrière linguistique, c'est hallucinant que ça puisse encore exister, ce genre de barrière. Okay? Mais c'était assez pour que la personne décide de partir. Revenons donc au Pontiac. Compte tenu de l'absence de médecins vétérinaires équins dans la région, la question de la rétention du personnel semble précipitée, tandis que la solution offerte par le relève arrivera trop tard. Il faut des solutions immédiates. L'attribution de permis temporaires exceptionnels à des médecins venus de l'Ontario est une option, mais seulement à court terme. L'Ontario aussi vit une pénurie de médecins vétérinaires et leur demander d'en faire plus n'est pas une solution durable. Pour l'instant, il faudra donc que les propriétaires de chevaux comme Chantal Chrétien, Carole Savard, Sabrina Cousineau ou Stéphanie Sitzberger s'arment de patience et fassent preuve de compréhension, selon la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Christine Théoret. Les propriétaires de chevaux ont aussi à être sensibilisés à l'effet qu'ils ont un rôle à jouer par rapport à trouver des solutions pour la pénurie. Ils doivent garder une attitude ouverte envers les nouveaux vétérinaires qui arrivent sur le terrain. Si nous avons commencé ce reportage avec l'amour des propriétaires équins envers leurs chevaux, il semble tout aussi important de le conclure avec l'amour qu'ont les vétérinaires pour leur métier. Selon Angelo Soares, sociologue du travail à l'UQAM, les médecins vétérinaires sont passionnants et passionnés. Quand ils me parlaient des animaux, de soigner les animaux, il y a une passion qui rarement j'ai vue dans d'autres professions. Je me rappelle un monsieur qui me parlait à propos de sa passion pour les vaches. Okay? Il dit, depuis que je suis petit, je savais que je voulais faire quelque chose avec les vaches, parce que c'est les vaches qui m'intéressent, c'est les vaches. Donc, vous voyez, il y a, pour les équins, c'est la même chose. Les gens avec qui, c'est les chevaux, ils me parlent avec une passion par ces animaux, comment ils vont. Et là, tu dis, mais tu vois les gaspillages humains, parce que ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur travail, ce n'est pas parce qu'ils sont mécontents avec la profession, c'est les contextes dont ils sont en train de vivre qui n'a pas d'allure. Le docteur Christophe Céleste. Je pense que c'est vraiment une réflexion de fond qu'il faut avoir sur tout ça, là. Ça reste une magnifique profession. Je veux dire, personnellement, je vous parle, et puis depuis que je suis enfant, je veux devenir médecin vétérinaire, et je n'imagine pas autre chose que médecin vétérinaire. Mais oui, j'ai pris des décisions professionnelles à certains moments de ma carrière pour me protéger, parce que j'en étais venu à la conclusion que si moi-même je me protégeais pas, c'est ni ma clientèle ni ma profession qui allait le faire. Donc, et je pense que beaucoup de mes collègues sont dans cette situation-là. Mais dans un monde dont les conditions sont de plus en plus difficiles à cause de l'épuisement professionnel, de la solitude et du harcèlement, selon Angelo Soares, cette passion qu'ont les vétérinaires devient aussi une vulnérabilité. C'est les contextes qui rendent les gens malades. Dans une conférence, Freud a comparé l'être humain avec les cristals. Si vous voyez par exemple un verre de cristal, ils sont tous pareils, ils ont les mêmes dessins, la même fonction. Mais si vous prenez un microscope très puissant, vous allez voir que la formation de ce cristal, il est unique. Qui fait en sorte que si on laisse les verres de cristal tomber par accident, ils ne vont jamais se casser de la même manière. Parce que nous sommes tous uniques. Tous différents, tous vulnérables. Les problèmes, c'est qu'aujourd'hui, les exigences qui existent dans les domaines du travail, c'est comme si on prenait les verres de cristal par les bouts et on frappait en pleine force au coin d'une table. Vous comprenez, c'est juste les petits bouts qu'on tient par la main qui va rester. On regarde en bas, tous les morceaux sont différents, mais ils sont tous cassés. C'était l'avenir incertain de la médecine équine, un reportage de Renaud Chiquan-McKenzie, produit avec l'assistance de Paul Fontaine. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Notre musique originale est composée par Hugo Mehran. Cette émission est co-réalisée par moi-même, Paul Fontaine, et Renaud Chiquan-McKenzie. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, ainsi que l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 8h sur les ondes de CSM 89.3 pour être de nouveau à l'écoute du territoire.